Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons revêtu Christ. Nous sommes devenus frères et sœurs en Jésus-Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, nous sommes un. Un en Jésus-Christ. Alléluia, gloire au Seigneur. Et sur la joie de ta présence et c'est